le PMP. C'est la guardia que m'arrive. J'étais content, car j't'ai donné de mon temps. Tu ne voulais pas d'une vie à deux, tu préfères être avec eux. Donc maintenant faut choisir ton camp. Tu me demandes de choisir mon camp. Je veux pas que tu crois que t'aies perdu ton temps. On finira notre vie à deux, pour l'instant j'suis avec eux. Mais je veux pas que ça se termine maintenant. Car je voulais que tu sois la première, je voulais que tu sois la dernière. Tout ça n'est pas un jeu, s'attacher c'est dangereux. S'il te plaît, fais pas de manière. Je voulais que tu sois le premier. Ouais. Je voulais que tu sois le dernier. Mais tout ça n'est pas un jeu, s'attacher c'est dangereux. Où est-ce que tout ça va nous mener? Tout ça va nous mener, allez viens je t'emmène. Tous les deux on se promène, y'a trop d'amour, je veux plus de haine. Allez viens on y va. Oui je te promets qu'on s'aimera. Ce soleil de Panama ou le froid du Canada. Attention j'irai où tu iras. Car je voulais que tu sois la première, je voulais que tu sois la dernière. Tout ça n'est pas un jeu, ça cache et c'est dangereux. S'il te plaît fais pas de manière. Je voulais que tu sois le premier. Ouais. Je voulais que tu sois le dernier. Mais tout ça n'est pas un jeu, s'attacher c'est dangereux. Où est-ce que tout ça va nous mener? Où est-ce que tout ça va nous mener? Après tout tu m'as quand même abandonné. Où est-ce que tout ça va nous mener? Encore une fois je t'ai pardonné. Ouais je t'ai pardonné. Où est-ce que tout ça va nous mener? Tu m'as quand même abandonné. Où est-ce que tout ça va nous mener? Encore une fois, ouais, je t'ai pardonné, ouais.